Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Watergate, le scandale qui fit tomber le président Nixon. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Richard Nixon annonce le 8 août 1974 qu'il démissionne à titre de président des États-Unis. Le président Nixon précise dans l'extrait qu'on vient d'entendre qu'il n'est pas du genre à abandonner la partie au milieu d'un mandat et que s'il démissionne, c'est dans le seul intérêt de la nation. La nuit du 16 au 17 juin 1972, cinq hommes pénètrent dans le quartier général du Parti démocrate à Washington. C'est le début de ce qu'on va appeler le scandale du Watergate. Pour souligner ce 45e anniversaire, nous vous présentons en rediffusion notre émission sur le Watergate. Voici les nouvelles nationales et internationales avec Joël Le Bigot. Le président Nixon a remporté hier le plus grand triomphe personnel de sa carrière politique, mais il n'a pas réussi à entraîner dans son sillage suffisamment de candidats républicains pour assurer le contrôle de son parti dans les deux chambres du Congrès. En obtenant les voix des grands électeurs de 49 États sur 50, avec 521 voix contre 17 à son rival le sénateur McGovern, le président Nixon a presque atteint le record battu par Franklin Roosevelt en 1936 avec 523 voix contre 8. Les résultats du vote, après dépouillement dans 95% des bureaux, donnent à M. Nixon 61% des suffrages et 38% au sénateur McGovern. La chose qui est extraordinaire, c'est que le président Nixon n'avait pas besoin de tous ces trucs-là. Il a gagné avec 61%, avec 49 sur 50 États. Richard Nixon triomphe à l'élection présidentielle du 7 novembre 1972 et compte tenu de ce résultat, on peut comprendre l'étonnement de celui que vous venez d'entendre, Benjamin Bradley, qui est rédacteur en chef du Washington Post au moment du scandale du Watergate, quant à l'implication du président Nixon dans une opération d'espionnage, espionnage politique menée par les républicains au quartier général des démocrates à Washington, une opération qui effectivement, avec le recul, semble totalement superflue et saugrenue. Le Watergate, ce sera l'un des scandales politiques les plus importants de toute l'histoire des États-Unis. La politologue de l'Université de Sherbrooke, Karine Prémont, est avec nous pour nous raconter cette affaire. Karine, commençons par le commencement. Parlez-nous un petit peu du Richard Nixon d'avant le Watergate. Qui est-il? Richard Nixon a d'abord été le vice-président du président Eisenhower pendant 8 ans, donc de 1952 à 1960. Et c'est aussi, peut-être surtout, le candidat à la présidence qui a été défait contre John F. Kennedy en 1960. Mais c'est un politicien d'expérience et un politicien aguerri. Il sera élu en 1968. Donc, c'est rare aussi de voir un candidat à la présidentielle défait qui revient et qui gagne. Alors, on peut lui au moins lui donner ça en termes de victoire. Donc, il sera élu à la présidence à son tour en novembre 1968. Il arrive à la Maison-Blanche avec une réputation quand même un peu entachée, je dirais, parce que lorsqu'il était candidat à la vice-présidence, il a dû faire un discours à la télévision parce qu'on l'accusait d'avoir accepté des cadeaux pendant sa campagne électorale. C'est donc le président Eisenhower, qui n'était pas encore président, mais qui l'envoie à ce moment-là en lui disant « Tu dois laver ta réputation, tu dois expliquer ce qu'il en est. » Et donc, Richard Nixon s'est humilié, selon ses termes, à la télévision devant le peuple américain pour dire « Je n'ai pas accepté de pot de vin, je n'ai pas accepté de cadeau, je ne suis pas un fraudeur. Le seul cadeau que j'ai accepté, c'est un petit chien, un petit épagneul qui s'appelle Checkers et je ne le rendrai pas. » Ça deviendra le Checkers speech, d'ailleurs. Exactement. Donc, en septembre 52, il va dire « Ce cadeau-là, je vais le garder parce que mes filles l'adorent, alors il n'est pas question que je le rende. » Et là, il doit produire ses déclarations d'impôts. Donc, on voit déjà, on soupçonne M. Nixon de ne pas agir conformément aux règles et l'histoire prouvera effectivement que ça lui arrivera à d'autres occasions. On aura bien sûr l'occasion d'en parler. L'autre élément important pour la suite des choses, en fait, il est double. D'abord, la relation qu'il a, très, très tendue avec la presse. Il est très suspicieux. Pour lui, tous les journalistes sont de sales gauchistes. Et puis, ça, on va pouvoir vérifier ça dans ce qu'on va appeler les Pentagon Papers. Qu'est-ce que c'est, ces Pentagon Papers? Mais cette attitude va se vérifier, là. Cette attitude va se vérifier. sacrifié parce que, et on l'a vu là, dans son discours de concession en 1960, il a accusé les médias, les journalistes d'être responsables de sa défaite en disant « Vous vouliez me voir tomber, je suis tombé, j'espère que vous êtes content, on ne se reverra plus. » C'est un discours très acrimonieux et on sent là, qu'il en veut aux journalistes. Mm-hmm. Et ça va marquer qui il est, ça va marquer le genre de politicien qu'il sera et ça va rester sa bête noire d'une certaine façon. Et évidemment, les journalistes le lui rendent bien, on s'en doute. Et donc, les Pentagon Papers, c'était une fuite dans le New York Times en 1971 qui révélait les mauvaises décisions gouvernementales sur le Vietnam. Son administration n'était pas impliquée à l'époque, mais il a très fortement réagi parce qu'il voyait dans ces fuites une atteinte à son autorité présidentielle. Alors, il a rapidement constitué ce qu'on a appelé une équipe de plombiers, c'est le terme qu'il a utilisé, pour colmater les fuites, n'est-ce pas? Donc, on y va déjà dans le langage coloré. Donc, on met sur pied cette équipe de plombiers pour colmater les fuites, pour trouver, en fait, qui fait ces fuites d'informations aux journalistes. Il va mettre des journalistes sur écoute. Évidemment, il va dresser une liste d'ennemis, autrement dit, principalement des journalistes. Et surtout, il va autoriser, au moins implicitement, le cambriolage du bureau du psychiatre de Daniel Ellsberg, qui est responsable de cette fuite, un employé temporaire du Pentagone. Et donc, on voit déjà se dessiner là, les rouages de ce qui deviendra le Watergate, c'est-à-dire une espèce de... une administration qui est toujours dans les magouilles, dans les manœuvres, où la fin justifie les moyens, là, en toutes circonstances. Bon, cette fameuse affaire du Watergate, ça commence quand et comment? Ça commence le 17 juin 1972, très précisément à 2h30 du matin, parce que le gardien de sécurité du complexe hôtelier Watergate, où se trouve le bureau du Comité national démocrate, aperçoit de la lumière inhabituelle en pleine nuit. Alors, il appelle la police arrive, on arrête 5 cambrioleurs, des hommes cagoulés. Donc, on les arrête, on les accuse d'avoir voulu mettre des micros, d'avoir voulu dérober des documents. Et on va apprendre dans les jours suivants que l'un des hommes, John McCord, est un ancien agent de la CIA. Alors là, bon, ça passe plutôt inaperçu les premiers jours, je vous dirais, parce qu'on est en pleine campagne électorale. Alors forcément, là, ça fait pas les manchettes à ce moment-là. Et le directeur de campagne de Nixon, qui est aussi l'ancien procureur général des États-Unis, John Mitchell, va très rapidement nier tout lien entre la campagne de réélection pour Nixon et ce qui se passe dans les bureaux du Watergate. Il va dire, ben écoutez, y a des gens qui ont voulu nuire aux démocrates, mais c'est pas nous. Alors les choses vont suivre leur cours ensuite tranquillement. Et Nixon va, comme on l'a entendu tantôt, remporter haut la main les élections. C'est une des les plus décisives de l'histoire. Alors, bon, on peut se demander après coup effectivement pourquoi il a voulu faire ça, mais ses relations avec les médias, notamment cette culture de la paranoïa qu'il aura, expliquent en partie cette décision. There's been a break-in at Democratic headquarters. They were bugging the place. Woodward. Bernstein, you're both on the story now. Get up. I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary? I'm not here. Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember... All the President's Men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy. Extrait de la bande-annonce du film « Les hommes du président » d'Alan Pakula, film réalisé en 1976, qui raconte l'enquête journalistique que mèneront les journalistes du Washington Post. Karine Prémont, c'est vraiment, dans un premier temps, ce travail journalistique, cette enquête des journalistes du Washington Post qui va faire éclater. Parce qu'on l'a dit, là, le début du Watergate, c'est un peu teflon. Nixon s'en sort sans aucun problème. Ouais. Mais quand le Washington Post se met sur l'histoire, là, ça devient une vraie grosse histoire politique et ça fait éclater le scandale au grand jour. Tout à fait. Et ça va prendre un certain temps, effectivement, parce que on l'a entendu tantôt, c'est Ben Bradley qui est éditeur en chef du Washington Post. Et vous avez deux jeunes journalistes, Carl Bernstein et Bob Woodward, qui trouvent un peu louche qu'un ancien cambrioleur soit agent de la CIA. Alors, ils insistent pas mal auprès de leur patron pour mener leur enquête. Ils leur disent, bon, ben d'accord, écoutez, allez-y, gâtez-vous et on verra ce qu'il en ressort. Mais faites-vous pas trop d'idées, en fait, sur cette affaire-là. Et très rapidement, Woodward et Bernstein vont avoir des contacts au sein des corps policiers qui ont enquêté sur le Watergate et vont apprendre assez rapidement que les cambrioleurs étaient finalement équipés comme des professionnels. Non seulement ils étaient cagoulés, mais ils avaient surtout en leur possession des milliers de dollars. Ils avaient également un carnet d'adresses dans lequel on retrouvait les numéros de téléphone de gens qui travaillaient à la Maison-Blanche. Alors là, déjà, on commence à trouver ça louche un peu. Et donc, les deux journalistes vont creuser. Et ce qu'ils vont découvrir va être de plus en plus surprenant. C'est véritablement une histoire d'espionnage, cette affaire-là, comme on pourrait en imaginer à Hollywood. Et très rapidement, on va révéler qu'un chèque de 25 000 $ qui provenait des fonds de campagne de Nixon s'est retrouvé dans le compte bancaire d'un cambrioleur. Alors, vous pouvez imaginer le choc. Le premier lien qui s'effectue à ce moment-là. Et très rapidement, les journalistes vont aussi révéler que John Mitchell, qui est le directeur de campagne, est à la tête, en réalité, d'un fonds secret pour financer des opérations clandestines de renseignement un peu louches sur les démocrates. Le FBI, évidemment, se lance dans l'affaire aussi. Et c'est le FBI qui va, en janvier 73, donc on est déjà là 6 mois après les événements, on est après l'élection. Donc le FBI va établir un lien entre le cambriolage et la campagne de réélection de Nixon. Et rapidement, d'anciens collaborateurs de Nixon seront mis en accusation, notamment Gordon Liddy et Howard Hunt, qui seront reconnus coupables de conspiration d'écoute électronique illégale. Ce seront eux qui seront effectivement accusés, autrement dit, d'avoir organisé ce cambriolage-là. Démission aussi dans l'entourage de Nixon. Démission dans l'entourage de Nixon et pas des moindres, parce que très rapidement, là, la soupe va commencer à chauffer, parce que ce lien-là entre la Maison-Blanche et le cambriolage se fait de plus en plus pressant, de plus en plus clair aussi. Donc, des très proches de Nixon démissionneront en avril 73, notamment le chef de cabinet de Nixon, Haldeman, son conseiller aux affaires intérieures, John Ehrlichman, et le procureur général des États-Unis aussi, qui seront, qui démissionneront. Ça, c'est la première période du match. La deuxième, mettons. Mettons que la première, c'est le cambriolage avec les effets à peu près invisibles pour Nixon. Là, on était dans la deuxième période, ça commence à faire mal à Nixon, mais c'est rien encore. C'est la portion enquête journalistique. Mais ça va être un travail d'équipe, justement, cette affaire-là. Là-dessus, l'historien André Caspi, à l'émission Au fil du temps 1993, qui nous montre que, bien sûr, ce travail journalistique a été important, mais que ce n'est que la deuxième période. Les journalistes ont avant tout recherché les connexions financières, c'est-à-dire ils ont voulu savoir s'il y avait un lien entre ce comité pour la réélection du président et puis un certain nombre de personnages qui avaient contribué au financement de la campagne électorale. Ils ont donc enquêté, comme le font les journalistes, et ils ont eu la bénédiction de leur direction, ce qui a été capital. Mais je voudrais ajouter que, contrairement à ce que l'on croit généralement, ces journalistes ont été rapidement relayés par d'autres pouvoirs. À partir de l'automne 1972, il y a un tribunal qui est saisi de l'affaire, et notamment le juge Sirica, poursuit son instruction de l'affaire. Donc le dossier est entre les mains de la justice. En 1973, le Sénat met sur pied une commission spéciale, présidée par le sénateur Sam Ervin, qui a pour but précisément, là aussi, de mener l'enquête. Ce qui veut dire que les journalistes ont déclenché l'investigation. Ils ne l'ont pas mené seul jusqu'à son terme. Il ne faut pas, en somme, faire de ces journalistes des personnages extraordinaires qui auraient remué ciel et terre, même si, au départ, ils ont été les promoteurs de cette enquête. Mais très rapidement, ils n'ont pas été les seuls à la mener. André Caspi, donc, c'est intéressant ce qu'il nous raconte, parce qu'effectivement, c'est un travail d'équipe, cette affaire-là, Karine Prémont. Quand le Sénat entre en piste, ce fameux comité, les travaux vont être diffusés, télédiffusés, en partie en tout cas, mais au début, c'est l'intégralité des travaux, des heures chaque jour. Ça va être très, très suivi. Ça va être très suivi. On parle d'à peu près 85 % des Américains qui ont regardé au moins une fois les audiences télévisées du Sénat. Et ça va devenir intéressant et ça va devenir très politique comme crise, parce que c'est à la commission télévisée qu'on va apprendre, je vous dirais, des éléments là qui font l'effet d'une bombe. Il y en a trois petites bombes, très vite, qui vont sauter. Très rapidement, en juin, un des conseillers juridiques de Nixon, John Dean, qui va venir témoigner et qui va dire « J'ai parlé de cette affaire du cambriolage au moins une trentaine de fois à Nixon. » Alors, ça vient effectivement s'aborder la thèse de Nixon sur laquelle « Ben moi, j'étais au courant de rien, alors c'est mon entourage et je les ai punis, et voilà, c'est terminé. » Donc ça, premier élément. Deuxième, quelques jours plus tard, un mémo adressé à Haldeman, dont on a parlé, qui est produit devant la commission d'enquête et qui révèle, en fait, tout le plan détaillé du cambriolage du bureau du psychiatre d'Ellsberg. Alors, ça démontre Il y a un antécédent, il y a quelque chose qui a déjà été produit dans cette nature-là. Alors, on peut imaginer qu'un deuxième cambriolage est dans les habitudes de la maison. Parce que Ellsberg, c'était l'affaire des Pentagon Papers. C'était le type responsable de la fuite des Pentagon Papers. Alors, deuxième élément. Et troisième, en juillet, le 13 juillet, c'est le témoignage central d'Alexander Butterfield, qui est un assistant de Nixon, et qui va révéler pour la première fois publiquement que toutes les conversations qui se tiennent dans le bureau aval de Nixon ont été enregistrées. Évidemment, c'est pas Nixon qui va avoir inventé cette pratique-là. C'était déjà le cas sous Roosevelt, notamment, mais c'était une pratique ponctuelle. Nixon l'a systématisé. Alors là, pas besoin de vous dire que on veut les enregistrements et c'est ça qui va faire foi de tout. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est démontrer la responsabilité de Nixon ou à tout le moins son consentement préalable ou pas à cette opération. Il réagit comment, Nixon, à cette pression et à cette demande? Très mal. On peut l'imaginer. C'est pas un type qui, habituellement, aime se faire dire quoi faire. Alors, il va premièrement commencer par ordonner le démantèlement de tout le système d'enregistrement à la Maison-Blanche, déjà. Et il va aussi refuser de donner les enregistrements. Et là, la panique s'installe parce que ce sera à ce moment-là le congédiement d'Archibald Cox, qui est le procureur général de la commission. Nixon va demander ensuite à des assistants de prendre sa place. Ils refusent tous. C'est ce qu'on va appeler le fameux massacre du samedi soir, le 20 octobre 73, parce que là, on voit que Nixon est en panique, qu'il souhaite avoir quelqu'un à la tête de cette commission d'enquête-là qui va lui être favorable, et ça marche pas. Et sa garde rapprochée refuse de lui obéir. Oui, parce que là, on se rend compte que ça prend des proportions et que là, le président n'est plus un intouchable. Et très rapidement, là, on va commencer à entendre des gens qui accusent Nixon de faire obstruction à la justice. Et il va invoquer le privilège de l'exécutif pour refuser de rendre les enregistrements. Et ce qu'il va avoir le culot de faire, c'est de remettre une transcription des enregistrements, 1200 pages de transcription, en disant, bien, voici ce que je vous donne et arrangez-vous avec ça. Évidemment, la Cour suprême va dire, ça n'est pas suffisant, nous voulons les enregistrements. Et comme la pression se fait de plus en plus forte, le lien avec la Maison-Blanche et avec Nixon est de plus en plus évident, il va devoir s'adresser aux Américains. Ce sera un discours célèbre à la télévision américaine le 17 novembre 1973. And I want to say this to the television audience. I made my mistakes, but in all of my years of public life, I have never... Je tiens à dire à la télévision que si j'ai commis des erreurs, je n'ai jamais tiré un profit personnel de ma situation en politique. Et je n'ai jamais non plus tenté de faire obstruction à la justice. J'ai aussi toujours été d'accord avec les processus d'examen qui permettent aux Américains de savoir si leurs politiciens sont honnêtes. Je ne suis pas un escroc. Tout ce que je possède, je l'ai gagné. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. I'm not a crook, je ne suis pas un escroc, dit Nixon aux Américains ce soir-là, Karine Prémont. Ça ne l'empêchera pas, dans les semaines qui suivent, de tenter de retenir de l'information quant à cette affaire du Watergate. Oui, il va tenter de retenir l'information, il va surtout tenter de retenir les enregistrements jusqu'à temps que la Cour suprême lui ordonne de les rendre. Il le fera, mais on va se rendre compte très rapidement que dans l'enregistrement peut-être le plus important de l'affaire du Watergate, les enregistrements de la journée du 20 janvier 72, on se rend compte qu'il manque 18 minutes et demie comme ça, tout à coup, en plein milieu, qui correspondrait à une discussion entre Haldeman et Nixon, dans laquelle Nixon demanderait à la CIA de forcer le FBI à se retenir d'enquêter. Évidemment, c'est la secrétaire de Nixon qui va prendre le blanc en disant « j'ai pas fait exprès, c'est moi qui est responsable, personne n'est dupe, bien sûr ». Bon, ça va se traduire par des appuis de l'opinion publique qui vont dégringoler. Oui. On prend acte. Là. La population américaine voit bien ce qui se passe. Il perd sa popularité. Tout à fait. Il commence à être dans les câbles un petit peu, l'ami Nixon. Oui, parce que très rapidement, là, en un an, il passe d'un taux d'approbation de 45 % à 25 %. Les gens demandent en fait à ce qu'il quitte. La pression se fait très, très forte sur Nixon, sur ce dossier. Et puis, la Chambre des représentants décide que c'est le temps. Le 27 juillet 1974, on déclenche une procédure de destitution. Oui, parce que là, on se rend compte qu'effectivement, il semble y avoir obstruction à la justice. Le fameux 18 minutes manquantes est presque une preuve en soi de cette obstruction-là. Donc, la Chambre des représentants va enclencher la procédure. Nixon, enfin politicien qu'il est, sent bien qu'il n'a aucune chance. C'est bien qu'il veut... en fait, ce qu'il veut, c'est sauver les meubles. Il se dit, je serai vraisemblablement destitué. Alors, je prends les devants et je vais démissionner. C'est un peu moins humiliant que de devoir se faire montrer la porte. Et il démissionnera effectivement le 8 août 1974. Ça va avoir des conséquences immédiates, oui. Politiquement. Qu'est-ce que ça va vouloir dire, cette démission de Nixon? Surtout une crise de confiance extraordinaire envers les institutions américaines. Alors que la présidence était l'institution la plus respectée aux États-Unis, les gens se mettent à douter de la capacité des hommes et pas des femmes parce qu'il n'y en a pas encore, mais se mettent à douter de la capacité des gens à, à, à représenter le prestige de cette institution-là. Et cette crise de confiance sera alimentée par la suite des choses, parce que avec un président démissionnaire, c'est le vice-président qui devient président à son tour, donc c'est Gerald Ford. Il faut se rappeler que Gerald Ford est un vice-président non élu parce qu'il avait été appelé en renfort lorsque le premier vice-président de Nixon, Spiro Agnew, a dû démissionner pour pot de vin. Oui. Alors, vous voyez un peu le portrait. Donc, on a Gerald Ford qui est le premier président non élu de l'histoire des États-Unis, qui très rapidement, un mois après être arrivé à la présidence, va pardonner à Nixon, ce qui va mettre fin à toute procédure judiciaire contre lui. Donc, pardon complet de Gerald Ford d'attribuer au président Nixon pour cette fameuse période, la clé, juillet 69 à août 74. Avec le recul, puis bon, évidemment, politiquement, c'est Jimmy Carter, c'est les démocrates qui vont remporter la présidentielle mm-hmm. suivante. Gerald Ford, donc, ne sera pas élu président. Avec le recul, Karine Prémont, il s'en tire plutôt bien, Richard Nixon, juridiquement. Oui, juridiquement, il s'en tire bien parce qu'il aurait pu être accusé, effectivement, d'avoir fait obstruction à la justice, d'avoir fait mentir des témoins, d'avoir voulu payer des témoins pour mentir, etc. Donc, il aurait pu se retrouver en prison et ça aurait été une catastrophe. Et déjà, cette démission-là affectait grandement les institutions américaines. Mais Gerald Ford s'est expliqué sur ce pardon-là plus tard en disant « Je devais le faire pour assurer, en fait, la guérison de l'Amérique. Je devais le faire pour assurer la continuité des activités quotidiennes de l'État, des gens. Alors, je n'avais pas le choix de le faire. » Et pour préserver ce qui reste, parce que l'institution, elle a été présidentielle, elle a été très, très touchée. Oui, oui. Pour préserver un petit peu ce qui restait de cette institution présidentielle sous Nixon. Oui. Nixon, lui, qu'est-ce qu'il va en dire de cette affaire du Watergate plus tard? Pas grand-chose. Nixon va demeurer tout à fait hermétique sur cette question-là. Je vous dirais, ce qui s'en approche le plus, ce qui s'approche le plus d'une conversation sur le Watergate sont sans aucun doute les entrevues qu'il a accordées en 77 au Britannique David Frost. On a fait un film aussi par la suite sur ces entrevues-là. Et en fait, il ne s'excusera jamais concrètement, mais il va dire qu'il a laissé tomber son peuple, qu'il a laissé tomber son pays. Mais ce qu'il va rajouter, et ça démontre bien toute la complexité de ce personnage-là, c'est quand c'est un président qui fait quelque chose, ce n'est pas illégal. Alors on comprend là qu'il n'est pas du tout dans le regret, qu'il n'est pas du tout dans le pardon. L'espèce de... C'est impérial, hein? C'est un peu arrogant. Oui, et c'est la fin de la présidence impériale, justement, à ce moment-là, parce que le Congrès va en profiter pour reprendre un peu le contrôle de ses privilèges, de ses pouvoirs également au sein des institutions américaines. Karine Prémont, est-ce que cette affaire-là est finie ou si on apprendra, parce que Deep Throat, la fameuse source, on ne saura en 2005 qu'en 2005 qui était cette source-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on va apprendre ou si c'est terminé, le Watergate? Ben, il faudrait retrouver les 18 minutes et demie manquantes pour pouvoir avoir le fin mot de l'histoire, parce que Nixon est parti, la plupart des témoins sont décédés aujourd'hui. Deep Throat, effectivement, on sait qui il est décédé aussi. Il a fait cette annonce-là quelques temps avant de mourir. C'était le numéro 2 du FBI, Mark Feld, qui en avait aussi personnellement contre Nixon. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'éléments d'information, d'éléments de preuve supplémentaires, je pense qu'on va devoir se contenter de cette version de l'histoire. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière à Aujourd'hui l'Histoire. Merci, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.